Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes maintenant dans notre dernier parcours pour l'Épître aux Éphésiens. Ce que nous avons commencé ensemble il y a un an, nous le terminons maintenant. Et ça a été pour moi un privilège d'étudier, de méditer sur ce livre. Et j'espère que ça a été pour vous aussi une bénédiction de voir à quel point notre Dieu est souverain d'éternité en éternité. Et tout ce qu'il a fait en nous et par nous, afin que sa gloire puisse éclater. Donc, permettez-moi ce matin d'aller un peu plus long, si le besoin est là, afin de pouvoir terminer ce livre. Notre Père du ciel, nous te remercions, nous te bénissons de l'œuvre que tu as commencée en nous, avant que le monde soit créé. Et tu nous l'as dit dès le début du livre, tu as tout fait pour ta gloire. Et nous avons cette conviction que tout va être fait pour ta gloire, parce que nous avons vu dans ce livre que tout a été fait par toi et pour toi. Donc, on te demande que tu puisses nous conduire dans ces derniers moments ensemble, afin que tu puisses nous emmener par ton esprit à bien comprendre ce que tu veux que nous vivions en tant qu'Église. Amen. Donc, permettez-moi encore une fois de résumer. Et nous avons vu depuis le début à quel point Dieu avait, avant le commencement du monde, créé un peuple dans sa pensée, dans son cœur, dans son esprit, comment on veut le dire. Dieu a créé de toute pièce un monde à l'intérieur de lui-même, et dans cette immense image, il y a l'Église qui est là. On a vu ensemble qu'il avait choisi des hommes et des femmes pour partager sa gloire pour l'éternité, de vivre avec lui et de le glorifier. On a vu qu'il a fait des décisions souveraines dans la vie des gens. On a vu ensemble qu'en Jésus-Christ, par le salut, il nous avait assis à la droite de Dieu. Et en Jésus-Christ, par la croix, il nous avait unis les uns aux autres, autant juifs que grecs ou païens. Il a fait de nous un peuple, une habitation où ce que Dieu va habiter avec son peuple. Ensuite, on a vu qu'il nous a donné des richesses non calculables en Jésus-Christ. Et on a vu ensemble qu'il nous aime d'un amour dont on ne peut pas mesurer la grandeur. Qu'on peut y plonger dans cet amour-là et essayer de la comprendre et de la découvrir. Mais on n'arrivera jamais à la fin parce que notre Dieu est infini, donc son amour est aussi infini. Ensuite, nous avons commencé à regarder le côté comment on va vivre cette vie chrétienne-là. Qu'est-ce que ce plan-là que Dieu a pour nous va nous amener à être changés, va nous amener à avoir une vie nouvelle. J'écoutais quelqu'un dernièrement qui disait, l'Évangile, ce n'est pas ce que nous faisons. L'Évangile, c'est ce que Dieu a fait. Par la repentance et par la foi, nous obtenons la bonne nouvelle qui nous a été amenée en Jésus-Christ. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour se créer un peuple qui va être lavé et purifié et transformé par lui. Donc, nous avons vu, premièrement, et je crois qu'on pourrait résumer ça en trois ou quatre grands principes que l'apôtre Paul énumère dans ces trois chapitres-là. Premièrement, on a parlé ensemble de l'unité. L'unité créée par l'Esprit de Dieu, dans laquelle nous avons tous été baptisés. Cette unité-là, nous devons la conserver, et non pas la créer. nous devons la conserver parce que nous avons tous un même Dieu, un même Seigneur, un même baptême, un même esprit, un même plein. Il dit, Dieu nous a donné des hommes qui vont nous instruire, ils vont nous créer une unité de foi qui va nous emmener à pouvoir résister et ne pas être ballotté à tout vent et toute doctrine. Mais vous, le premier rôle de l'unité, c'est de nous unir, de former un corps solide, un édifice solide qui va nous empêcher d'être ballotté à tout vent et toute doctrine. C'est important qu'on comprenne cela. Et ensuite, on a vu que nous allons vivre cette nouvelle vie-là par l'Esprit. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas attrister l'Esprit. Mais au contraire, il faut être rempli de l'Esprit. Il faut être conduit par cet Esprit-là, qui va nous emmener à adorer Dieu, à le louer et à lui rendre des actions de grâce. Cet esprit-là va nous emmener à vivre une vie de soumission les uns envers les autres. Et ce soir, on va voir un autre principe, un troisième principe, que maintenant nous devons revêtir l'armure spirituelle que lui a préparée pour nous, afin que nous puissions vivre dans ce monde comme lui veut que nous vivions. Donc, nous allons lire, si vous voulez bien, au chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, tenez ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, par lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé, frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès pour vous, afin que vous connaissiez notre situation, et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour et la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Donc l'apôtre Paul dit que, au verset 10, au reste, on pourrait traduire en terminant. En terminant, il dit, j'aimerais vous dire de revêtir une armure, parce que vous êtes en guerre. Et vous n'êtes pas en guerre avec la chair et le sang. Vous n'êtes pas en lutte avec ce qui est de l'homme. Donc, c'est pour ça que l'armure que je vous conseille de mettre, afin d'être fort, afin d'être fortifié par la puissance de Dieu, ça ne vient pas de la capacité humaine. Ça ne vient pas de votre caractère humain. Ça ne vient pas de vos talents humains. Ça vient de Dieu. Parce que la guerre, elle est spirituelle. Elle est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. dans les lieux célestes. Donc, il y a une guerre entre Dieu et Satan. On voit ça dans l'Apocalypse. Et nous, vu que nous sommes maintenant unis à Dieu et unis à Christ, nous participons à cette guerre-là. Donc, il dit, je vous invite à revêtir une armure. Comme le soldat qui va à la guerre revêt une armure. Et pourquoi je veux que vous revêtiez cette armure-là, au verset 13, c'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc je veux que vous revêtiez l'armure afin que vous puissiez résister jusqu'à la fin. Et qu'à la fin du combat, quand Dieu va venir vous chercher, vous allez pouvoir être là, debout, et que vous allez avoir tenu ferme. Un peu comme Paul a dit, j'ai continué la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il dit, je veux que vous revêtissiez l'armure, afin de garder la foi. Le but de garder, de revêtir l'armure ici, ce n'est pas premièrement, afin de ne pas fumer un deuxième joint, ou afin de ne pas regarder de la pornographie sur l'Internet. Ou bien, je vous demande de revêtir l'armure afin que vous aimiez vos femmes, ou afin que vous éduquiez bien vos enfants. C'est tout bien ces choses-là. Mais si le but qu'il donne de revêtir l'armure, c'est de pouvoir garder la foi. C'est le même but que l'unité dans le chapitre 4, afin de ne pas être ballotté à tout vent et toute doctrine, mais que vous résistiez à l'ennemi. C'est le même but que de vivre rempli de l'Esprit. Parce qu'il a dit, dans le chapitre 5, afin que vous ne soyez pas séduits par des gens mauvais qui veulent vous séduire et vous éloigner de la vérité. Et c'est encore le même but ici. Je veux que vous revêtissiez l'armure afin de résister aux esprits mauvais, à Satan. C'est la même vérité que Pierre va dire. Et je vous invite à résister avec une foi ferme au malin. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Le Nouveau Testament n'est pas, premièrement, un livre qui nous prêche la morale. Mais c'est un livre qui nous prêche la doctrine, premièrement. Premièrement, il veut que nous comprenions bien. Et si nous gardons la foi, si nous gardons la vérité, si nous gardons la doctrine qui nous a été transmise une fois pour toutes, la morale va suivre. La morale va suivre. Et si vous regardez, à chaque fois que dans les épîtres, que l'Église s'éloigne de la vérité, de la doctrine, la morale tombe. Si vous regardez les sept églises dans l'Apocalypse et qui se sont éloignées de la vérité, la morale a tombé. Tant que la doctrine est en place dans une église et qu'elle est prêchée, ne vous en faites pas. L'esprit de vérité va l'utiliser dans la vie de l'église et l'église va continuer. Donc cette armure qu'il nous faut revêtir, elle est spirituelle. Donc il la décrit, puis il va utiliser des termes comme la vérité. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix. Il va dire ensuite le bouclier de la foi, et le salut et la parole de Dieu. Regardons bien, toutes ces vérités-là, toutes ces pièces d'armure-là sont en dehors de nous. Ça vient de Dieu. Il ne parle pas aussi de la vérité que moi je peux dire ou pas dire, mais il dit la vérité qui vous a été transmise. Revêtez la justice qui vous a été donnée par Dieu, qui est en Jésus-Christ. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'Évangile que vous avez reçu, la bonne nouvelle de Dieu. Restez attachés. Prenez cette bonne nouvelle-là et comprenez-la. Comprenez-la bien, la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. Et ensuite, ça, il dit, prenez la foi, ce don de Dieu dans Éphésiens 2, cette foi-là que vous avez reçue de Dieu, ou si on pense que le mot foi, c'est de dire l'ensemble des doctrines. Et dit, prenez le casque du salut. Comprenez bien. Défendez-vous contre ces mauvais esprits-là par le casque du salut. Comprenez bien, c'est quoi votre salut? Votre justification, votre sanctification, votre glorification, votre élection, c'est pas pour rien, frères et sœurs, que Paul a commencé dans les trois premiers chapitres à expliquer c'était quoi le salut. Il dit d'être capable de faire face à l'ennemi en comprenant bien votre élection. D'où est-ce que vous venez dans l'éternité passée et ce que Dieu a fait pour vous? Oh, vous allez être capable de résister au malin. Il y a à l'ennemi, en comprenant bien que vous êtes assis à la droite de Dieu, que vous êtes un en Jésus-Christ, que vous êtes l'habitation de Dieu, que vous êtes aimé de Dieu inconditionnellement. Il dit, toutes ces choses-là, il dit, comprenez-la bien. Il dit, comprenez bien la parole de Dieu, ça va être votre épée. Il dit, ce qui vous a été transmis dans la parole de Dieu, comprenez-la, étudiez-la, méditez-la, écoutez-la. Chantez-la. Ils allaient être capables de résister au malin. C'est pas par nos efforts moraux qu'on va résister au malin. Non, non, non, non. Si je pourrais résumer ça ici. L'armure que vous avez dit, vous avez entendu un évangile. Une bonne nouvelle. Restez-y attachés. La foi que vous avez reçue de Dieu, vivez par cette foi-là, en ce que la parole de Dieu a dit. Comprenez bien ce que Dieu a fait pour vous et en vous, afin qu'il soit lui-même glorifié pour toujours. Comprenez bien ça. Si je me revais de cela, et que je vis dans ce monde, où est-ce que le prince de ce monde dirige, comme on a vu dans Éphésiens 2. Nous allons résister à la tentation de vouloir s'éloigner de la vérité. Nous allons résister dans le jour mauvais. Et quand la fin va venir, soit individuellement ou soit pour toute l'Église ensemble, nous allons être trouvés debout, dans la foi. Satan n'aura pas réussi à nous vaincre. Oh, il va réussir à nous faire tomber dans différentes sortes de péchés. Mais il ne fera jamais perdre de la foi. Et l'important, frère, c'est la foi. Ce n'est pas combien de péchés j'ai réussi à ne pas faire, ou combien de bonnes œuvres j'ai réussi à faire. C'est pas ça le plus important. Parce que ça, cette quantité-là, hein, de bonnes œuvres que vous avez faites ou ne pas faites, ne vous enlève pas votre salut. Et ça n'a pas déterminé votre salut. Votre salut a été déterminé par votre élection. J'espère que ça vous aide à comprendre ici. La belle vérité, l'encouragement que Paul dit aux Éphésiens. Si vous voulez résister jusqu'à la fin, n'essayez pas. Faites pas comme cette vérité du New Age. Vous avez toute la puissance en vous. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes quasiment divin. Des fois, ils disent, vous êtes divin. Regardez, vous avez toute la puissance en vous. Nous, on vit à cause de la régénération, à cause que nous sommes élus, à cause que l'Esprit de Dieu vit en nous. Nous ne vivons pas comme les autres. Nous disons, non, il n'y a rien de bon en nous. Et nous ne combattons pas le péché ou la mort avec nos capacités humaines, mais nous combattons avec la vérité, avec la justice, avec la paix, avec la foi, avec la vérité, avec le salut, avec la parole de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous combattons avec ses armes ou avec son arme. avec son esprit qu'il a mis en nous. Et il termine en disant, priez maintenant. Priez. Il avait dit ça après avoir dit les grandes vérités de l'élection dans le chapitre 1. Il avait dit, je prie avec vous afin que vous compreniez le plan de Dieu pour vous, l'héritage de Dieu pour vous, afin que vous compreniez la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en vous. Il termine ici en disant, priez, priez, priez afin que vous puissiez comprendre. Priez. Pour tout le monde, tous les frères et sœurs, on sait bien qu'on ne peut pas prendre ça de façon littérale et dire, bon, mais je vais prier pour tous les chrétiens de la terre. On n'est pas capable de faire ça. Même prier pour toutes nos toute la, une église qui sera 100, 200, 300 dans la même église, on n'est même pas capable de faire tout ça. Mais on prie dans l'ensemble général, on prie pour les croyants. Continuellement, afin de bien comprendre ce que nous vivons, afin de bien comprendre l'Évangile, afin de bien comprendre l'élection, afin de bien comprendre la souveraineté de Dieu, afin de bien comprendre la gloire de Dieu. Paul dit, priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, je fasse connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Tout ce qu'il demande, il dit, il ne demande pas une vie plus belle, il ne demande pas une vie sans prison, une vie sans maladie. Il dit, j'aimerais donc prêcher la vérité, je veux prêcher librement, hardiment, le mystère de l'Évangile. Son but, ce n'est pas une vie facile. Son but, c'est de proclamer la vérité. Et je ne veux pas m'éloigner de la vérité de l'Évangile. Donc, il dit, priez pour moi. Priez pour vous, quand vous allez proclamer l'Évangile. Oh, j'écoutais Don Carson encore ce matin, qui prêche dans une église. Puis, je le vois bien, il veut que l'Église proclame la vérité qui est en Dieu. Et il va conclure en disant, je vous envoie Tychique. Et Tychique va emmener la lettre et il va vous informer. Il va vous informer afin que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Il va vous consoler, parce qu'ils sont tristes à cause qu'il est en prison. Et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez tristes à cause que je suis en prison. Et par la lettre qu'il vous amène, il va vous encourager, il va vous fortifier. Il va vous amener la paix, au verset 23, l'amour, la foi va vous être donné par la lettre qu'il va emmener. Par ces grandes vérités-là qu'il va vous transmettre. Donc, le côté pratique, vivez dans l'unité que Dieu a créée par sa toute-puissance. Faites grandir cette unité-là, en écoutant bien ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Vivez par le Saint-Esprit, afin de ne pas être conduit dans l'erreur par les gens qui sont autour de vous, par le monde autour de vous, qui veut vous induire dans l'erreur et vous éloigner de la foi. Combattez l'ennemi qui vous entoure en revêtant l'esprit de vérité. 13h, c'était une joie de partager avec vous ces grandes vérités que contient l'Épître aux Éphésiens. Je vous encourage, si vous le voulez bien, reprenez ces 14 études-là qu'on a faites ensemble. Reprenez-les. Et je vous encourage à les écouter plus rapidement qu'un an. Allez sur mon site Internet. Si vous ne savez pas comment, parlez-en avec Daniel ou Patrick. Et réécoutez-la dans l'espace d'un mois. Encore mieux, dans l'espace de deux semaines. Réécoutez-la ensemble, afin que ça forme un tout dans votre cœur et dans votre pensée. Terminons ensemble dans la prière. Notre bon Père du ciel, Je suis dans la joie de voir ce que tu as entrepris dans l'éternité passée afin d'être glorifié. Parce que ce que tu as entrepris, ce n'était pas pour nous. C'était pour ta gloire. Tu voulais te révéler. Tu voulais te manifester. Et tu as créé un monde. Un monde que tu serais, qui se rebellerait contre toi. Mais tu as créé un plan de salut pour ce monde. Et tu as choisi des hommes et des femmes pour manifester ton amour, ta grâce, ta souveraineté, ton pardon, ta justice, ta passion, ta compassion, ta miséricorde. Et à travers l'Évangile, on voit un Dieu se manifester. Et on ne peut pas faire autrement que de te glorifier. Je te prie, Seigneur, que tu sois avec l'Église de Val-d'Or, que tu la soutiennes, que tu la fortifies, que tu l'encourages par les vérités de ta parole et, dans notre contexte à nous, par les vérités de l'Épître aux Éphésiens. Merci de nous avoir donné ce privilège de méditer ta parole jour et nuit. Amen.